Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pourtant missionnée par l'ONU en avril 1948 pour résoudre les problèmes de santé publique et contribuer à former une opinion publique éclairée, est liée à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, par un accord signé le 28 mai 1959, accord qui stipule dans son article 3 qu'il est possible de prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents. Cette confidentialité a conduit à la non-publication des actes de la conférence de l'OMS à Genève sur les conséquences de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques sur la santé en 1995. Les 700 participants en attendent toujours la publication, promise pour mars 1996. La mission officielle de l'AIEA, placée directement sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU, est d'accélérer et d'accroître la contribution de l'énergie atomique pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. D'où l'appel de professionnels de la santé lancé en 2009 pour une indépendance de l'OMS. Le plus dangereux isotope sorti du réacteur de Tchernobyl n'est ni le césium, ni le plutonium, mais le mensonge. Le mensonge 86, comme je l'appelle. Un mensonge qui s'est propagé comme la radioactivité dans notre pays et dans le monde entier. Je ne suis pas un homme de plume. Je suis physicien. Voilà pourquoi je me bornerai à parler de faits. Pour Tchernobyl, il faudra bien répondre un jour. Le temps viendra où il faudra payer, comme pour 1937. Même si ce n'est que dans 50 ans, même s'ils sont vieux, même s'ils sont morts, ce sont des criminels. Il faut préserver les faits. On les réclamera. Ce jour-là, le 26 avril, j'étais à Moscou, en mission. C'est là que j'ai appris pour la catastrophe. J'ai aussitôt appelé Slyunkov, le premier secrétaire du comité central de Biélorussie, à Minsk. Mais on ne me l'a pas passé. Je renouvelais l'appel à plusieurs reprises, jusqu'à tomber sur l'un de ses assistants, qui me connaissait très bien. Je téléphone de Moscou. Passez-moi Slyunkov. J'ai des informations urgentes au sujet de l'accident. J'appelais sur une ligne gouvernementale, mais l'affaire était déjà strictement confidentielle. Dès que j'ai mentionné l'accident, la liaison a été coupée. Bien sûr, tout était écouté. Inutile de préciser par qui. Les organes concernés, l'État dans l'État. Et le fait que moi, le directeur de l'Institut de l'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie, membre correspondant de l'Académie des sciences, je voulais parler au premier secrétaire du comité central, cela n'y changeait rien. Le secret s'étendait à moi aussi. Il me fallut batailler pendant 2 heures, pour que Slyunkov daigne enfin se saisir du combiné. C'est un grave accident. Selon mes calculs, le nuage radioactif avance vers vous, vers la Biélorussie. Il faut immédiatement traiter préventivement à l'iode toute la population, évacuer ceux qui vivent à proximité de la centrale. Il faut évacuer les gens et le bétail dans un rayon de 100 km. On m'a déjà fait un rapport. Il y a bien eu un incendie, mais il a été maîtrisé. Je n'ai pas pu me retenir. On vous trompe, c'est un mensonge. N'importe quel physicien vous dira que le graphite se consume à raison de 5 tonnes à l'heure. Vous pouvez déterminer vous-même combien de temps il va brûler. Il fallait de l'iode ordinaire. 2 à 3 gouttes pour les enfants dans un demi-verre d'eau. 3 à 4 gouttes pour les adultes. Le réacteur allait brûler pendant 10 jours. Il fallait faire ce traitement pendant 10 jours. Mais personne ne nous écoutait, nous autres, les scientifiques, les médecins. La science a été entraînée dans la politique. La médecine dans la politique. Et comment donc? Il ne faut pas oublier dans quelle situation nous nous trouvions il y a 10 ans. Le KGB fonctionnait. On brouillait les radios occidentales. Il y avait des milliers de tabous, de secrets militaires, de secrets du parti. Nous avions été élevés dans l'idée que l'atome soviétique n'était pas plus dangereux que le charbon ou la tourbe. Nous étions paralysés par la peur et les préjugés, par la superstition de la foi. Dès mon retour, le 27 avril, j'ai décidé d'aller constater par moi-même la situation dans la région de Gomel, à la frontière ukrainienne, dans les chefs-lieux de districts de Bragin, Khroyniki et Narovia, qui se trouvent à quelques dizaines de kilomètres à peine de la centrale. J'avais besoin d'une information complète. J'ai emporté des instruments pour mesurer le fond. À Bragin, 30 000 micro-röntgen à l'heure. À Narovia, 28 000. Les gens travaillaient la terre, préparaient la fête de Pâques, peignaient des œufs, faisaient des gâteaux. Retour à Minsk. Sur l'avenue principale, on vendait des pirojki farcis à la viande hachée, des glaces, des petits pains, sous le nuage radioactif. Le 29 avril, je m'en souviens avec exactitude. À 8h du matin, j'attendais déjà dans l'antichambre de Slumkov. Même si j'insistais, faisais du forcing, personne n'acceptait de me recevoir. Je suis finalement parvenu à me frayer un chemin jusqu'à Slyunkov et à lui décrire le tableau que j'avais vu la veille. Il fallait sauver tous ces gens. En Ukraine, l'évacuation avait déjà commencé. Pourquoi est-ce que les dosimétristes de votre institut courent-ils partout en ville semant la panique? J'ai consulté l'académicien Ilin à Moscou. Selon ses services, tout est normal ici. Une commission gouvernementale est au travail là-bas, et le parquet. L'armée, les moyens techniques militaires sont déjà sur place pour colmater la brèche. Des milliers de tonnes de césium, d'iode, de plomb, de zirconium, de cadmium, de beryllium, de bore et une quantité inconnue de plutonium étaient déjà retombées sur notre Terre. Au total, 450 types de radionucléides différents. Leur quantité était égale à 350 bombes d'Hiroshima. Il fallait parler de physique, des lois de la physique. Et eux, ils parlaient d'ennemis. Ils cherchaient des ennemis. Tôt ou tard, ils auront à répondre de cela. Dans les instructions de sécurité nucléaire, on prescrit la distribution préventive de doses d'iode pour l'ensemble de la population en cas de menace d'accident ou d'attaque atomique. En cas de menace. Et là, 3000 micro-röntgen à l'heure. Mais les responsables ne se faisaient pas de soucis pour les gens. Ils s'en faisaient pour leur pouvoir. Nous vivons dans un pays de pouvoir et non un pays d'êtres humains. L'État bénéficie d'une priorité absolue et la valeur de la vie humaine est réduite à zéro. La ville était en possession de 700 kg de ces préparations qui sont restées dans les entrepôts. Nos responsables avaient plus peur de la colère de leurs supérieurs que de l'atome. Chacun attendait un coup de fil, un ordre, mais n'entreprenait rien de lui-même. Mais à quoi bon ces crises d'hystérie, professeur? Vous n'êtes pas le seul à prendre soin du peuple biélorusse. De toute manière, l'homme doit bien mourir de quelque chose. Le tabac, les accidents de la route, le suicide. Notre Slyunkov, lui, s'est borné à faire un bref rapport. Tout est normal. Nous surmonterons les problèmes par nos propres moyens. On le félicitera. Bravo, les petits frères biélorusses. Mais combien de vies ont-elles coûté, ces félicitations? Il faut bien faire la différence. Chers camarades de l'Union Tchernobyl, la personne qui vous écrit est Nina Pavlovna Sgorello, la femme de l'un des pauvres hommes qui ont pris part aux opérations de liquidation des conséquences de Tchernobyl. La femme d'un homme condamné à mort il y a plus d'un an. La sentence m'a été annoncée par un appel téléphonique de la clinique CRU. Il m'a fallu un long moment pour surmonter l'état de choc qui en résulta. Mais ensuite, j'ai commencé à rechercher fiévreusement les moyens de sauver mon mari. Mais partout où je me rendais, la réponse des bureaucrates était toujours la même. Il mourra. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais je n'ai cessé de penser et d'espérer qu'il pourrait être aidé. Si seulement nos médecins voulaient bien oublier leur orgueil et demander l'assistance d'experts étrangers. L'explosion de Tchernobyl a créé un tragique laboratoire d'expérimentation sur les êtres humains. Si la science exige des victimes, comme l'a déclaré M. Petroscience, eh bien que la médecine réclame ses sacrifices ouvertement, au lieu de les garder secrets et de les affubler du diagnostic « maladie ordinaire », sans lien avec la radioactivité. Que de connaissances perdues avec la mort de ces hommes. Aucun laboratoire, même au sein de l'institut de recherche le plus prestigieux, ne pourra jamais fournir autant de connaissances et d'expériences que les personnes qui ont subi le feu de Tchernobyl. Ainsi, au nom de ces générations futures, qui comme nous-mêmes n'ont aucune garantie qu'il ne se produira pas d'autres Tchernobyl, que toutes les sections de l'Union Tchernobyl lancent un appel à tous les médecins du monde pour qu'ils prennent en charge ces malades, les vétérans de la catastrophe de Tchernobyl, et étudient, avec leur accord, la nature de leur maladie. Peut-être pourront-ils aussi aider quelques-uns d'entre eux. Acceptez que mon mari, Ivan Ivanovitch Sgorello, né en 1938, devienne membre de l'Union Tchernobyl. Il a été envoyé à Tchernobyl pour travailler au bétonnage du bloc 4. À présent, il est handicapé du groupe 1 et gravement malade. Notre fils, Nikolai, est né en 1969. Il a travaillé pendant 2 ans sur un site d'essai nucléaire à Semipalatinsk. Je m'inquiète beaucoup pour sa santé. Respectueusement, Nina Pavlovna Sgorello, 5 décembre 1989. Syndicat soviétique de la République d'Ukraine. Syndicat soviétique de la province de Poltava. Centre radiologique de l'Union de l'Académie des sciences médicales du RSS. Ulitsa Melnikova, 53 25 20 50, Kiev 50. Chère Nina Pavlovna, nous vous informons que le CRU a conclu qu'il n'y a pas de lien entre la maladie de votre mari et le fait qu'il a passé un certain temps à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il n'est donc pas possible de donner suite à votre demande pour que l'institut où votre mari travaillait avant sa maladie verse la différence entre son ancien salaire et la pension qui lui a été allouée. Un tel versement ne serait en accord ni avec la loi en vigueur, ni avec les décisions du Soviet du collectif du travail. Camarade Charbenko, secrétaire syndicat soviétique provincial. Je me suis soudain mise à avoir des doutes. Que valait-il mieux, se souvenir ou oublier? J'ai posé cette question à des amis. Les uns ont oublié, les autres ne veulent pas se souvenir parce que l'on n'y peut rien changer. Nous ne pouvons même pas partir d'ici. De quoi puis-je me souvenir? Dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, les livres sur les radiations, sur Hiroshima et Nagasaki, et même sur la découverte de Röntgen, ont disparu des bibliothèques. On disait que c'était sur ordre des autorités, pour éviter la panique. Il y avait même une blague. Si Tchernobyl avait explosé chez les Papous, le monde entier en aurait eu peur, sauf les Papous. Il n'y avait aucune recommandation médicale, aucune information. Ceux qui le pouvaient achetaient des comprimés d'iodure de potassium. Il n'y en avait pas dans les pharmacies de notre ville, il fallait avoir beaucoup de pistons pour s'en procurer. Certains prenaient une poignée de ces comprimés en les avalant avec un verre d'alcool pur. Les secours d'urgence sauvaient ces gens de justesse. Et puis, on a trouvé un signe auquel tout le monde prêtait attention. Tant qu'il y avait des moineaux et des pigeons, la ville pouvait aussi être habitée par l'homme. Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl. Un jour, j'ai pris un taxi et le conducteur s'étonnait de la manière dont les oiseaux se cognaient contre le pare-brise. Comme des aveugles, comme des fous. comme s'il se suicidait. Je me souviens que je rentrais de mission. De part et d'autre de la route, c'était un véritable paysage lunaire. Jusqu'à l'horizon, les champs étaient couverts de dolomie blanche. La couche supérieure du sol, contaminée, avait été enlevée et enterrée. À la place, on avait versé du sable de dolomie, comme si c'était pas de la terre. J'ai longtemps souffert de cette vision, et j'ai même essayé d'en tirer une nouvelle. J'imaginais ce qui se passerait dans 100 ans. Un homme mutant saute en se propulsant sur ses longues pattes arrière, aux genoux retournés. Dans la nuit, il voit clairement avec son troisième œil, et sa seule oreille sur la nuque entend même la course d'une fourmi. Et à part ces êtres et les fourmis, tout ce qui était vivant sur la terre et dans le ciel était mort. J'ai envoyé mon texte à une revue et l'on m'a répondu que ce n'était pas une œuvre littéraire, mais le récit d'un cauchemar nocturne. Bien sûr, je n'ai pas assez de talent, mais je crois qu'il y avait une autre raison. Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl. Pourquoi nos écrivains continuent-ils à parler de la guerre, des camps, et se taisent sur cela? Est-ce un hasard? Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. Quel niveau de contamination a provoqué le passage du nuage de Tchernobyl sur la France? À cette question, les autorités françaises pouvaient et devaient apporter une réponse fiable. Elles pouvaient, car elles avaient le temps et le matériel pour le faire. Les appareils de mesure étaient disponibles et en quantité. Au-delà de ses propres services, l'État pouvait mobiliser les moyens de mesure des nombreux sites nucléaires implantés dans l'Hexagone, des centrales d'EDF au centre de recherche du CEA. Par ailleurs, Tchernobyl étant situé à 2500 km de la France et l'accident annoncé dès le 28 avril, les autorités étaient nécessairement en état d'alerte et avaient le temps de réagir et d'organiser la surveillance, y compris dans des zones moins équipées comme la Corse. Elles devaient donner une réponse fiable, car une estimation correcte des dépôts au sol est l'un des éléments clés de la protection des populations. La nature et la quantité des produits radioactifs déposés sur les sols déterminent en effet la contamination de la chaîne alimentaire. À ce stade, il n'est pas nécessaire de disposer de chiffres très précis, mais il est indispensable de déterminer les ordres de grandeur. Sous-évaluer de 10, 100, voire 1000 fois la contamination des sols conduirait à sous-évaluer d'autant les risques et à décider à tort de ne prendre aucune mesure de protection. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, projetant des débris hautement radioactifs à plus de 2000 mètres d'altitude. Des quantités considérables de particules et de gaz radioactifs sont rejetées 10 jours durant. Dès le 26 avril, poussé par des vents d'altitude qui soufflent du sud-sud-est à environ 30 km/h, les panaches contaminés gagnent la Biélorussie et la Pologne. Le 27, ils progressent vers la Finlande et la Suède, où des balises de surveillance vont permettre, le 28 avril, de donner l'alerte. À cette date, les vents soufflent de l'est et portent la contamination vers l'Europe centrale. Le territoire français est atteint dès le 29 avril. Une très forte augmentation de la radioactivité de l'air est attestée à Verdun, dans la Meuse, et à Marcoul, dans le Gard. Le 1er mai, le nuage de Tchernobyl recouvre la Corse et la quasi-totalité de l'Hexagone. Les panaches radioactifs se répandent progressivement sur tout l'hémisphère nord. Ils atteignent les États-Unis le 5 mai, simultanément par l'Atlantique et le Pacifique. La contamination est maximale en Ukraine, en Russie, et surtout en Biélorussie. Les zones les plus affectées ne seront pas circonscrites aux 30 km de la zone interdite. Des zones chaudes nécessitant des mesures de relogement seront identifiées à plusieurs centaines de kilomètres de la centrale de Tchernobyl. Un organisme va jouer un rôle déterminant dans l'information diffusée par les autorités françaises. Il s'agit du Service central de protection contre les rayonnements ionisants, plus connu sous le sigle SCPRI. Créé en 1956, ce service est placé sous la double tutelle des ministères de la Santé pour la protection des populations et du Travail pour la protection des personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants. Placé sous la direction de M. Pierre Pellerin, il a notamment pour mission de surveiller le niveau de contamination du territoire et d'alerter en cas de problème ses ministères de tutelle. Voilà, on peut demander au Dr Pellerin, oui. On a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine, sur le plan européen et mondial d'ailleurs, et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, des masses d'air éventuellement radioactives provenant d'un accident. Mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Se basant sur les évaluations du SCPRI, les autorités françaises décident de ne prendre aucune des contre-mesures disponibles pour limiter les incorporations de radioactivité. Aucune recommandation pour éviter de rester sous la pluie, ni pour empêcher les enfants de jouer dehors les premiers jours de mai. Aucune restriction sur la commercialisation des aliments critiques, les frais, fromages frais, légumes à large feuille, etc., provenant des zones les plus touchées. Aucun conseil aux éleveurs pour la mise en stabulation du bétail et la distribution de grains et de fourrages non contaminés. Aucune consigne aux agriculteurs pour la gestion des cultures. Et bien évidemment, aucune possibilité d'indemnisation pour le retrait des produits les plus contaminés. Aucun conseil aux professionnels les plus exposés, agriculteurs, éleveurs, forestiers, agents de maintenance des systèmes de filtration de l'air, etc. Bien au contraire, les autorités insistent sur l'inutilité de toute action préventive, y compris à l'égard des enfants ou des femmes enceintes. Quel que soit leur âge, les consommateurs sont encouragés à ne rien changer à leurs habitudes alimentaires. Ces recommandations sont rappelées et confirmées à deux reprises par des communiqués du ministre de la Santé, Madame Michèle Barzac. Service en charge de la surveillance radiologique du territoire, le SCPRI s'est trompé en pleine situation de crise de plusieurs ordres de grandeur, tant sur l'évaluation des dépôts radioactifs que sur l'évaluation des risques. L'importance des erreurs oblige à s'interroger sur leur intentionnalité et sur l'étendue des responsabilités. Est-il possible de se tromper à ce point dans l'évaluation de la contamination et des risques encourus? Cela supposerait une totale incompétence, tant en métrologie qu'en radioprotection. Comme l'écrivait à l'époque son directeur, le SCPRI était désigné depuis 1969 par l'Organisation mondiale de la santé comme centre international de référence pour la recherche sur la radioactivité de l'environnement. Si l'on considère que le jugement de l'OMS est fiable, on doit exclure l'incompétence. Ne resterait alors que l'acte délibéré, et par conséquent le mensonge, quelles qu'en soient les motivations. Volonté de rassurer à tout prix, souci de protéger l'image de marque de l'industrie nucléaire, refus de croire à la nocivité des faibles doses de rayonnement. Le directeur du SCPRI a-t-il diffusé des chiffres erronés de sa propre initiative, à l'insu des autorités ou en accord avec elles, voire à leur demande expresse? Dans le dossier de Tchernobyl, la santé n'a pas été une priorité et ce choix s'est traduit au plus haut niveau de l'État. Fait significatif, c'est le ministère de l'Industrie qui a joué un rôle prépondérant dans la gestion de la crise et l'information des Français. La santé, l'environnement, les consommateurs sont passés au second plan. Si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez désormais appeler gratuitement un numéro vert spécial Tchernobyl qui vient d'être mis en place par la structure interministérielle d'information sur le nucléaire, où nous rejoignons d'ailleurs M. Madelin qui a mis en place cette cellule. Alors, que peut-on obtenir comme renseignement, Monsieur le Ministre, lorsqu'on appelle ce numéro et qui répond ? D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit, auquel vos téléspectateurs, auxquels les Français, s'ils sont encore inquiets, peuvent interroger les spécialistes qui sont ici afin d'avoir toutes les précisions nécessaires. Le fait que la France soit un État nucléarisé, soucieux de protéger le développement de son industrie nationale, a manifestement prévalu sur les enjeux sanitaires. La responsabilité du gouvernement n'exclut pas celle de la communauté scientifique, de tous ceux qui avaient des moyens de mesure et qui sont restés, à de rares exceptions, singulièrement silencieux. Si le mensonge de Tchernobyl a pu prospérer, c'est qu'il n'était pas le fait d'un électron libre, fut-il directeur du SCPRI. Mais qu'il était sécrété par tout un système. Monsieur Pierre Pellerin est parti à la retraite avec tous les honneurs dus à un bon serviteur de l'État. Et ses successeurs s'efforcent depuis lors de préserver l'héritage. Comme cela ne plaisait pas beaucoup au roi que son fils abandonne les sentiers battus et s'en aille par les chemins de traverse, se faire par lui-même un jugement sur le monde, il lui offrit une voiture et un cheval. « Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à pied ?» Telles furent ses paroles. « Maintenant, je t'interdis d'aller à pied. » Tel était leur sens. Maintenant, tu ne peux plus aller à pied. Tel fut leur effet. Pierre Feuté a donné sur son blog une liste des manipulations visant à minimiser l'ampleur de la catastrophe de Fukushima. Effacer les données, être frappé d'amnésie, ne pas communiquer les informations sensibles ou attendre plusieurs mois. Caviarder un rapport, ne jamais utiliser le mot corium et ne jamais parler de reprise de criticité. Ne pas diffuser les images des explosions. Nier une explosion si elle n'est pas visible. Boire en public de l'eau de refroidissement d'un réacteur nucléaire. Diffuser des cartes truquées. Ne jamais parler de plutonium et ne parler que de l'iode et des césiums. Surtout, ne pas parler ni rechercher de traces de plutonium, d'américium, de strontium, etc. Si l'on est obligé de parler de plutonium, alors il ne faut pas hésiter à dire que la toxicité du plutonium, lorsqu'il est ingéré, n'est pas très différente de celle du sel. Modifiez les seuils légaux, les multiplier par 20 ou par 30. Déplacez les sondes, par exemple en hauteur. Éparpillez les déchets radioactifs dans tout le pays. Ne jamais utiliser le terme de catastrophe. Diffuser des articles affirmant que l'accident n'a fait aucun mort. si par malheur il y a des morts, ne jamais dire que les personnes sont mortes à cause de la radioactivité. Organiser la vie des territoires contaminés comme si rien ne s'était passé, pour faire croire à la population que tout est normal. Organiser des marathons sur les routes et chemins contaminés de la préfecture de Fukushima. Effacer des moteurs de recherche les liens directs avec les articles trop sensibles. Décontaminer au maximum les endroits où sont placés les compteurs. La plus comique d'entre elles provient du professeur Yamashita, conseiller à la gestion des risques de santé dus aux radiations dans la préfecture de Fukushima. Le nom Fukushima va se répandre partout dans le monde. Fukushima, Fukushima, Fukushima, c'est vraiment super. Fukushima a battu Hiroshima ou Nagasaki. Le nom Fukushima va avoir plus de renommée dans le monde. Ces problèmes, c'est de la chance, la plus grande chance. Fukushima est devenu vraiment célèbre sans rien faire. Si vous souriez, les radiations n'auront qu'un effet sur vous. Si vous ne souriez pas, vous en ressentirez les effets. Cette théorie a été prouvée par une expérimentation sur les animaux. On pourrait interpréter cette provocation comme une marque de cynisme. La désinvolture est telle, le mépris pour les populations est si grand qu'on se permet ce genre de moquerie. En réalité, c'est un message de vérité. Il y a bien des radiations et nous n'avons aucun moyen de les combattre. Sous l'énormité de surface, à laquelle personne ne peut croire un instant, chemine l'aveu indirect du mensonge ainsi que l'aveu d'impuissance. Ces mensonges sont motivés, certes, par le goût du lucre, relancer l'exploitation des réacteurs nucléaires, mais aussi par le désespoir. Le désarroi est si grand, l'absence de solutions si patente, la continuité des risques courus par les Japonais et par tous les autres tout autour est si forte, l'accumulation de la contamination si élevée, que l'humour n'est pas complètement déplacé. Une troisième interprétation possible mettrait l'accent sur l'apologie indirecte du suicide. Un immense enseignement de la résignation. Cette résignation concerne d'abord les Japonais. Non seulement ceux qui résident dans les environs de la centrale, mais aussi tous les autres qui subissent déjà la contamination ou vont en subir les effets dans les années à venir. L'absence de solution, l'inertie de l'exploitant comme celle du gouvernement japonais, sont partagées par tous les autres exploitants et gouvernement. Comme le note Ulrich Beck, selon lui, la société du risque est celle de la catastrophe, soit une société où l'état d'exception menace d'y devenir un état normal. Ce processus est particulièrement flagrant dans la gestion de la catastrophe de Fukushima et se met en place grâce à la cogestion. Donc les discours justifiant la variabilité des normes de sécurité et leur acceptabilité dépendent de la position de ceux qui les expriment, de ceux qui s'expriment en tant qu'eux. Ainsi, la présentation des discours met à jour une manipulation de tout ordre. Normes et seuils sont fixés et permettent la mise en œuvre d'une politique qui tend à assigner la population à demeure, voire à l'inciter au retour à la vie dans des zones pourtant contaminées, au vu des normes internationales. Et c'est bien là tout le paradoxe. Ainsi, l'individu se voit contraint d'assumer financièrement et physiquement la responsabilité de sa protection sanitaire, même s'il n'a aucune prise, aucun rôle dans le processus décisionnel qui a engendré la situation du risque dont il devient captif. Afin de remédier à cela, au moins en apparence, et de continuer à faire passer le message auprès des premiers concernés, tout en regagnant la confiance des citoyens, une véritable stratégie de communication est adoptée, soutenue par un budget spécifique pour l'année 2014 de plus de 2 millions d'euros. Tout se passe comme si. En ce qui concerne le silence, Fukushima était la répétition de Tchernobyl. Un enseignement précis a été tiré de Tchernobyl. Les mêmes causes engendrent les mêmes effets. La même propagande peut être utilisée sans vergogne. Une source fait état d'un programme de censure du gouvernement japonais à l'égard des informations contraires à l'intérêt public. Si la traduction est exacte. Le gouvernement japonais a décidé d'appliquer la loi de manière rigoureuse en ce qui concerne les reportages indépendants, ainsi que les critiques visant les politiques du gouvernement après la catastrophe, en décidant ce que les citoyens peuvent ou ne peuvent pas dire en public. L'équipe chargée du projet a commencé à envoyer des lettres de requête à des organisations telles que les compagnies de téléphone, les fournisseurs d'accès Internet, les chaînes de télévision par câble et autres, en leur demandant qu'elles prennent des mesures adéquates basées sur les lignes directrices établies en réponse à l'information illégale. Les mesures incluent l'effacement de toute information provenant de sites Internet que les autorités jugent dangereuses pour l'ordre public et la moralité. Y a-t-il besoin de commenter ? Si l'on croise cette intéressante information avec celle sur la communication de TEPCO, qui atteste des décennies de mensonges et de falsifications dont plusieurs ont été reconnues par l'entreprise elle-même, il est maintenant clair que nous sommes sous-informés et que la totalité des informations d'origine gouvernementale japonaise ou fournies par l'exploitant est suspecte. D'où un soupçon qui, du fait de l'accord entre les institutions nucléaires, s'étend légitimement à tous les organismes d'État nationaux et supranationaux, commissariat à l'énergie atomique, institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à agence internationale de l'énergie atomique, autorité de sûreté nucléaire, commission internationale de protection contre les radiations, etc., qui collaborent à un immense ministère de la propagande utilisant des techniques de mensonges de masse. Sur ce point, les pays démocratiques se comportent comme des pays totalitaires. L'organisation étatique du mensonge fait que le nucléaire civil relève du secret d'État comme le nucléaire militaire. Les activités nucléaires sont des activités spéciales, protégées de fait par une sorte de police secrète disséminée dans une myriade d'institutions et dans tous les pays. Le refus de communiquer les chiffres et l'opacité de fait des centrales nucléaires constituent à eux seuls une preuve du caractère mensonger des discours officiels. La condition sine qua non pour simplement écouter n'importe lequel des turiféraires du nucléaire est la communication de tous les chiffres de Tchernobyl et de Fukushima. Les nucléologues qui s'expriment savamment sur le nucléaire ont-ils eu accès aux chiffres réels ? Ou bien sont-ils dans la même situation que celle décrite par Otsura Niwa, professeur émérite à l'Université de Tokyo, lors du colloque international Radioactivité et risques sanitaires de septembre 2011 à la faculté de médecine de Fukushima. Non, nous ne disposons pas de ces données. Il est totalement déplacé de poser ce genre de questions aux experts internationaux ici présents, puisque nous-mêmes, experts japonais, nous ne les possédons pas. Dans les commissions gouvernementales, nous ne nous attardons pas à poser de telles questions de détail qui sont d'une grande impolitesse. Nous ne cachons rien, tout simplement, nous n'avons pas les données. La nouveauté avec Fukushima est la reconnaissance du caractère mensonger de la parole des spécialistes. C'est un mensonge subtil, il ne cache rien, il n'invente rien, il ignore simplement l'essentiel. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif.